Maman, je peux sortir avec Bastien pour voir la guerre totale? Non, mon chéri, tu es trop petit pour voir ce film. Mais si, maman, je t'assure. Les copains, ils disent qu'il est très bien, ce film. Non, j'ai dit, non, tu n'iras pas. Si tu veux, tu pourras aller voir un dessin animé la semaine prochaine. Mais la guerre totale, il n'en est pas question. Allez, maman! Mon chéri, tu devrais le savoir. Non, c'est non. Un point, c'est tout.